der Herr liebt uns so sehr. Notre Père nous aime vraiment. Amen. Amen. He loves us so much. Er liebt uns so sehr. Il nous aime vraiment. He did not just say I love you. Er hat nicht nur gesagt, dass er uns liebt. L'Éternel n'a pas juste dit qu'il nous aime. He said I love you and he came to act on it. Er hat gesagt, ich liebe euch und ich handle auch danach. Il nous a dit qu'il nous aime et puis il est venu se comporter ainsi. You know, people can tell you I love you without action. Leute können sagen, ich liebe dich, ohne danach zu handeln. Parce que vous savez, il y a les gens qui peuvent vous dire qu'ils vous aiment sans action. But Jesus said I love you and he came here to die. Amen. Aber Jesus hat gesagt, ich liebe dich und ich bin gekommen für dich hier zu sterben. Mais Jésus-Christ, il a dit qu'il nous aime et puis il est venu, il a fait son action, il est mort pour nous. To free you from the bondage of this evil world. Um dich zu befreien von der Gefangenschaft dieser bösartigen Welt. Il est venu nous libérer de la captivité de ce monde vraiment démoniaque. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are still going to continue with our message, which is faith. Es geht weiter mit unserer Botschaft, die Glauben heißt. On va continuer avec notre message. Il s'agissait de la foi. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Remember John 8. Erinnert euch an Johannes 8. Rappelez-vous de Jean 8. Jesus talked about freedom. Jesus spricht über Freiheit. Jésus parle de la liberté. Amen. Amen. He talked about freedom. Er spricht über Freiheit. Il a parlé de la liberté. And in that very place he was talking to believers. Und an dieser Stelle hat er zu Gläubigen gesprochen, Johannes 8. Et dans ce il a parlé des croyants en Jean 8. Praise the Lord. Hallelujah. Johannes 8. Jean 8. Johannes 8, Vers 30. Jean 8, verset 30. Amen. Amen. As he speak these words, many believe on him. Many believe on him. Amen. Amen. Als er dies sagte, glaubten viele an ihn. Comme il disait ça, ces choses, beaucoup ont cru en lui. And you know, here he was speaking to believers. Und hier hat er zu Gläubigen gesprochen, nicht zu Ungläubigen. Ici, quand il parlait aux croyants, pas aux incroyants. Because verse 30 is telling you that they believe on him. Beim Vers 30 steht, dass sie an ihn geglaubt haben. Parce que verset 30 nous dit que ces gens ont cru en lui. You get it. Amen. Then said Jesus to those Jews which believe on him, if you continue in my words, in my word, then are you my disciples indeed. Amen. Amen. Not disciple without manifestation, but disciple with manifestation. Ein Jünger mit Manifestation, nicht ohne Manifestation. Ici, d'ici, vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, il parle des disciples avec une manifestation, des disciples qui sont actifs. Amen. Amen. In verse 32, il said, and you shall know the truth. And the truth shall make you free. Amen. Ihr werdet die Wahrheit kennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Amen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Until you continue, until you hear the word and believe, you cannot continue. And you, until you continue, you cannot know the truth and be free. Erst wenn wir weitermachen, können wir die Wahrheit erkennen. Und wenn wir die Wahrheit erkennen, dann sind wir frei. On va connaître la vérité seulement si on continue avec notre relation avec l'Éternel. Et quand tu continues, tu vas connaître l'Éternel et tu seras libéré. La vérité t'affranchira. Until you are a believer, you cannot know the truth. Erst wenn wir Gläubige sind, können wir die Wahrheit erkennen. Donc ça nous fait voir qu'on peut seulement connaître la vérité si nous sommes les croyants. And until you know the truth, you can never be free. Wenn du die Wahrheit nicht kennst, bist du niemals frei. Ça nous fait voir aussi que si tu connais pas la vérité, tu peux jamais être libre. To be free from all the lies of Satan. Frei zu sein von den Lügen des Satans. Être libéré des mensonges du diable. We have been living in the lies of Satan for so long. Wir haben lange in den Lügen des Satans gelebt. On a vraiment vécu dans les mensonges du diable vraiment pour beaucoup de temps jusqu'à présent. Praise the Lord. Amen. And that is why it's time for you. Do not choose to confess the truth. Deswegen ist jetzt an der Zeit für dich zu entscheiden, die Wahrheit zu bezeugen. Et maintenant, c'est temps pour toi de confesser la vérité. How long are you going to live in lies? Wie lange werden wir in Lügen leben? Combien de temps tu vas encore continuer à demeurer dans la dans les mensonges? Amen. Mm-hmm. It is a lie of a Satan. The lie, one of the is lies that you are not victorious. Es ist eine Lüge des Satans, dass du nicht erfolgreich bist. Un des mensonges du diable est que de te dire quand il te dit que tu n'as pas du succès. Amen. It is one of his lies that you are a failure. Dass du ein Versager bist. C'est un de ses mensonges quand il te dit que tu es une un perdant. It is one of his lies that you are a loser. Dass du halt ein Verlierer bist, ein Versager bist. Que tu vas jamais réussir, c'est ça un de ses mensonges. Be free from all the bondages of Satan. Sei frei von den von der Gefangenschaft des Satans. Libère-toi de des captivités du diable. Amen. Amen. You can be a son and not be free. Du kannst ein Sohn sein und immer noch gefangen sein. Tu peux être un fils mais toujours continuer de vivre dans des captivités. You can be a son and not know the truth. Du kannst ein Sohn sein, der die Wahrheit nicht kennt. Tu peux être un fils mais continuer à vivre dans des mensonges. Amen. Et ne pas connaître la you can be a son and you don't even know what your father has for du you. Du kannst ein Sohn sein, der nicht weiß, was sein Vater für ihn hat. Tu peux être un fils mais pas connaître ce que son père a pour lui. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. And not knowing the truth means you are still in bondage. Und nicht die Wahrheit zu kennen bedeutet immer noch in Gefangenschaft zu sein. Et quand tu connais pas la vérité, ça signifie que tu vis encore dans des captivités. It means you are blind. Das heißt, du bist blind. Ça signifie que tu es aveugle. Amen. Amen. It means you are not. You are still under the law. Du bist immer noch unter dem Gesetz. Ça signifie que tu es toujours sous la loi. Amen. Amen. You can be a son and never be free. Du kannst ein Sohn sein und niemals frei werden. Tu peux être un fils et rester de ne pas avoir ta liberté. And remain under the bondage of Satan. Und unter der Gefangenschaft des Satans bleiben. Et rester dans la captivité du diable. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you go for, if we want to look just one example, the prodigal son. Ein Beispiel der verlorene Sohn. Si tu veux voir un exemple, tu peux penser au fils prodige. The brother to the prodigal son. I don't know if you still remember the story. Der Bruder des verlorenen Sohnes. The senior brother. Sein älterer Bruder. Ou le grand frère du fils perdu. He was a son, but he was not free from jealousy. Er war ein Sohn, aber er war nicht frei von Eifersucht. Le grand frère, il était un fils, mais il n'avait pas la liberté. Il était encore dans la captivité de la jalousie. Is somebody getting it? He was still lying. He was still living. You know, the bondage of Satan was all over him. Er war ein Let's Sohn, aber die Gefangenschaft des Satans war immer noch ihm herum. Il était un fils, mais il était encore en train de vivre dans la captivité des du diable parce qu'il avait encore il était toujours il était jaloux en fait. Christ is faith. Christus ist unser Glaube. Jésus-Christ est notre foi. Christ is the truth. Christus ist die Wahrheit. Le Christ, il est la vérité. Christ should be your confession. Christus soll unsere Bezeugung sein. Et le Christ doit être notre confession. You are always to confess the truth all the time. Wir sollten immer wieder die Jesus. Wahrheit I bezeugen. I am the way, the truth and the life. Und die Wahrheit ist Jesus Christus selbst. Amen. Denn er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. On doit confesser Jésus-Christ. On doit toujours confesser la vérité. Car il dit qu'il est la vie, le chemin, la vérité. The Lord told me this years ago. Der Herr hat mir das vor Jahren gesagt. L'Éternel me l'a dit des années passées. He said, if anyone asks me how I am, he said, I should never mention what outside is. He said, because I'm no longer outside. Er hat gesagt, dass wenn mich jemand fragt, wie es mir geht, dass ich niemals das Äußere sagen soll, sondern immer das Innere, weil ich bin nicht mehr das Äußere. L'Éternel m'a dit des années passées que si quelqu'un me demande comment je vais, si je vais bien, je ne dois jamais prononcer ce que je vois à l'extérieur, mais je dois prononcer l'intérieur. Et l'intérieur, je suis mon intérieur. Et mon intérieur, c'est le Christ lui-même. He said, what should come out from my mouth should be who I am in the spirit. Was aus meinem Mund rauskommen sollte, ist das, was ich im Geist bin. Ce qui va venir de ma bouche, ça sera toujours ce que je suis dans l'esprit. No one is outside. Niemand ist äußerlich. Parce qu'il y a personne qui est extérieur. We are inside. Wir sind alle innerlich. Nous sommes des both intérieurs. Both believers and non-believers. Gläubige so und Ungläubige. And not outside. Wir sind das Innere, nicht das Äußere. Même si tu es croyant ou bien tu es incroyant, mais tu es ton intérieur et tu n'es pas ton extérieur. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why if you marry a wife, one wife today, and you say it's not good, you know, at the beginning, man, you know, you see, okay, it's good. But later, it's not good. It's not because it's getting fatter or slimmer. It's the inside that is coming out. Und wenn du heiratest und du auf einmal eine Person sich verändert oder diese Person sich verändert, ist es nicht das Äußere, was sich verändert, ob die Person jetzt breiter wird oder schmaler wird, sondern es ist das Innere, was sich verändert. Et c'est pour cela aussi quand les gens, par exemple, ils se marient ou bien tu maries une femme et puis elle te plaît plus, elle va pas, tu vas dire que elle me plaît plus pas parce que elle est devenue mince ou bien elle est devenue grosse l'extérieur, mais c'est son intérieur que tu vas commencer à voir que t'es fait voir des autres couleurs et que tu l'aimes plus, mais basé sur son intérieur et pas sur l'extérieur. And that's why, you know, to marry your wife, your husband is never the outside, it's the inside. Deswegen ist das Heiraten nicht das Äußere, sondern das Innere. Et c'est pour cela, ton mariage, quand tu vas te marier, tu vas pas, il s'agit de trouver quelqu'un dont tu vas marier l'intérieur et pas l'extérieur de la personne. Amen. Amen. Your neighbor is never the outside, but the inside. Dein Nachbar ist niemals das Äußere, sondern das Innere. Ton voisin, c'est pas l'extérieur, c'est toujours l'intérieur. Your friends, they are never the outside, but the inside. Deine Freunde sind niemals das Äußere, sondern das Innere. Tes amis, ce sont pas les extérieurs, ce sont les intérieurs. Amen. Praise the Lord. Amen. The inside is either Christ or Satan. Das Innere ist entweder Christus oder Satan. L'intérieur c'est toujours ou le diable ou le Christ. It means you are either married to Christ or you are married to Satan. Das heißt, du bist entweder verheiratet mit Christus oder mit dem Satan. Ça signifie que tu es toujours marié ou avec Jésus-Christ ou avec le diable. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Luke 15, are you there, please? Lucas 15. On va lire Luc 15. We quickly read from verse 11. Amen. Amen. And he said, a certain man had two sons. Verse 12. Luc 15, 11. Oui. Are we there, please? Mm-hmm. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. Verse 13. And not many days after, the younger son gathered all together and took his journey to a far country, and there wasted his substance with righteous living. Verse 14. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. 15. Okay. And he went and joined himself to a citizen of the country. Praise the Lord. Hallelujah. We are citizens of the kingdom of heaven. Wir sind Bürger des Königreiches. Wir sind Bürger des Königreichs vom Himmel, wenn wir errettet sind. Si nous sommes sauvés, nous sommes des citoyens du royaume des cieux, si nous sommes sauvés. Amen. Amen. A citizen, not member. Wir sind Bürger, nicht Mitglieder. Nous sommes des citoyens et pas des membres. There is nothing like a member of this country. Es gibt kein Mitglied eines Landes. Parce que même dans ce pays, si on, y a pas un membre de ce pays, ça n'existe pas. Kingdom always have citizens and not members. Ein Königreich hat immer. You see churches today, it's always members. Ein Königreich hat immer Bürger und nicht Mitglieder. Und wenn wir uns Kirchen heutzutage angucken, sehen wir immer nur Mitglieder. Like club. Wie ein Verein. Si on voit les églises aujourd'hui, on va voir qu'il dit toujours que oui, je suis un membre de l'église, mais un royaume, ça n'a pas des membres, ça a un citoyen. Les églises aujourd'hui se sont devenues comme des clubs, en fait. Praise the Lord. Alleluia. We are citizens of the kingdom of heaven. Amen. Wir sind Bürger des Königreichs des Himmels. Nous sommes des citoyens du royaume des cieux. When Jesus came in his ministry, he said, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." Als Jesus in seinem Dienst kam, hat er davon gesprochen, dass das Königreich Gottes nahe ist, dass wir Buße tun sollen, weil sein Königreich nahe ist. On va voir quand Jésus-Christ est venu, il a dit que repentez-vous parce que le royaume des cieux est proche, il est arrivé. Il n'a pas parlé il n'a pas dit que pour être un membre, il a parlé d'un royaume. And we want, you know, You know, people say, why are things not working in churches today? Demotion. What do you call it? You know, from cities into members. It's like demotion. I don't know what you call demotion. Abstufung. Yeah. Are you getting it? You know, from the kingdom, we are no longer there. It's like egusi soup. How many of you know egusi soup? If you keep on pouring water and water and water, later you cannot even use it to you eat eba or puri. Or it's tasteless. That's why Jesus talks about the salt, a tasteless salt. He said, what do you do with it? You throw it away. That is the churches today. Und, tasteless. In vielen Gemeinden sind es halt Mitglieder und nicht Bürger des Königreichs des Himmels. Und es ist eine Art Abstufung, die Herabstufung, die passiert, dass Leute nicht nach ihrer Identität leben, sondern sich kleiner machen, als sie eigentlich im Königreich von Christus sind. Und es ist genauso, wie wenn man eine Suppe immer wieder mit Wasser verdünnt und verdünnt, irgendwann ist sie geschmacklos. Und genauso sagt ja auch der Herr, dass wenn das Salz fade geworden ist, ist es zu nichts mehr brauchbar und es muss weggeschmissen werden. Und so sind viele Gemeinden nutzlos, geschmacklos. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, mais pourquoi les églises aujourd'hui, ça ne marche pas, ça fonctionne pas, il y a beaucoup de chaos, tu vois, parce qu'ils se disent, mais le truc est que ces églises, beaucoup des églises s'appellent des membres, ils sont en train de se dégrader eux-mêmes, parce que l'Éternel, lui, il a parlé d'un royaume, mais un église, quand il se dégrade lui-même, il n'a pas besoin de se... On n'a pas besoin de d'être étonné si quelque chose ne fonctionne pas. C'est tout comme lui-même, il a dit avec le sel. Le sel, ça a un saveur vraiment très puissant, très fort. Mais quand il perd son saveur, ça ne sert à rien. Et c'est comme ça les églises aujourd'hui. Praise the Lord. Amen. In verse 16, he said, 16. And he who faith have filled his belly with the hooks that the swine did eat, and no man gave unto him. Verse 17. 17. And when he came to himself, praise the Lord. Amen. The Lord loved repentance. The Lord, Musa. Ici, on voit que l'Éternel aime la repentance. Amen. Mm. You know, some will leave Christ and go back and eat their vomit. Einige Leute verlassen Christus und gehen zurück und essen wieder ihr Erbrochenes. Aber der Herr liebt Buße. Il y a quelques personnes qui sont les enfants de Dieu, mais quelquefois ils trouvent un autre chemin et puis rentrent à leur personnalité. À la personne qu'ils étaient avant sont en train de manger leur vomi encore. Mais l'Éternel, lui, il aime la repentance. Donc on peut toujours retourner vers lui. Verse 17, he said, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough and to spare, and I perish with hunger. God's children are still living that way. Kinder Gottes leben immer noch so. Ici, on voit qu'il s'est demandé, mais maintenant, mon père a beaucoup de... Il a beaucoup de servants, mais moi, je meurs de faim. Et ça nous fait voir que beaucoup des enfants de Dieu sont en train de vivre une vie pareille. He wants us to return to him. Er möchte, dass wir zurück zu ihm kehren, zurück zum Glauben kehren. Lui, il veut qu'on puisse retourner vers lui, on revient à la foi vers lui. We have been living lies so long. Wir haben so lange in Lügen gelebt. Und es ist zu lang, zu viel Zeit ist verloren gegangen. On a vécu des plusieurs années, on a vécu dans des mensonges et c'était trop lent. On doit retourner. And we are waiting for the Lord to do something, and he's waiting for us to do something. Wir warten auf den Herrn, dass er etwas tut, aber er wartet auf uns. On a vécu dans des mensonges et puis on est en train d'attendre que l'Éternel puisse faire quelque chose, mais lui il est en train d'attendre que nous on puisse bouger. He is no longer doing anything. Er tut nichts mehr. Er ruht sich aus. Parce que lui, il va plus rien faire. Il est en train de se reposer. Er hat alles für uns getan. Parce qu'il a déjà tout accompli. And he has given us everything. Und er hat uns alles gegeben. Et il nous a déjà tout donné. That everything is himself. Und all das, was er getan hat, ist er selbst. Et ce tout qu'il nous a donné, là, c'est lui-même qu'il s'est donné. That everything is Christ Jesus. Und dies alles ist Christus Jesus. Et ce tout qu'il nous a donné, là, c'est Jésus-Christ qui nous a donné. That everything is the truth. Und dies alles ist die Wahrheit. Et c'est Jésus-Christ, et tout ça, c'est la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. There's nothing bigger than Jesus. Amen. Nichts ist größer als Jesus Christus. Il n'y a rien qui est plus grand que Jésus-Christ. Whatever it is that you are believing him for, it's never, it's not, you know, you cannot even compare it to him. Was immer du ihm anvertraut hast, kannst du nicht vergleichen mit der Tatsache, ihn zu haben. Tu sais que tu es en train de t'y attendre de l'Éternel, que tu es en train d'attendre que ça puisse s'accomplir. Tu ne peux jamais comparer ça avec Jésus-Christ parce que lui, il est toujours plus grand. Salvation is the greatest of all things. Amen. Errettung ist das größte von allen. Amen. Le salut, c'est la chose la plus grande qu'on peut avoir. That the Spirit of Christ Jesus now lives inside you. Amen. Dass der Geist von Jesus Christus in dir lebt, ist das größte. Amen. Amen. Le fait que l'esprit de Jésus-Christ vit en nous, c'est la chose la plus grande qu'on peut avoir. Amen. That you are now a son of God. Dass du jetzt ein Sohn Gottes bist. President, you know, if you are a son of a president today in the natural world, in this world. People bow before them. Respect. People respect. You can see it anywhere they are. How much more the Son of God? Wenn Leute Söhne oder Töchter eines Präsidenten sind, weiß man, wie viel Achtung und Respekt und Ehre man für diesen Titel bekommt, nur weil man mit dieser Person, mit dieser hohen Person verwandt ist. Und wie viel mehr als Söhne Gottes. Nous sommes les enfants de Dieu, les fils de Dieu, on doit le savoir parce que imaginez-vous si vous étiez si vous voyez des fils ou bien des enfants des présidents, comment ils sont respectés. Il y a les gens qui ont vraiment crainte de ces personnes-là parce que ce sont les fils du président. Mais à plus forte raison que toi tu puisses être le fils de Dieu, ça te donne encore plus de valeur, on doit le savoir. Let us learn to live like the Son of God. Amen. Lass uns lernen, so zu leben wie die Söhne Gottes, die wir auch sind. On doit finalement apprendre à vivre comme des fils de l'Éternel. That is the truth. Das ist die Wahrheit. Et ça, c'est la vérité. We have been living the lies of Satan. Wir haben in den Lügen des Satans gelebt. On a vécu dans des mensonges du diable. And that's why we compare ourselves to them. Und deswegen vergleichen wir uns mit denen. Et c'est pour cela on continue à se comparer that's avec les païens. That's why we want to have what they have. Deswegen wollen wir das haben, was sie haben. Et c'est pour cela qu'on veut avoir ce que les païens ont. Amen. Ce qu'ils ont. Because that is their system. But that's their system. Parce que ça, c'est leur système. They should beg to be like us. Aber sie sollten eher betteln, so wie wir zu sein. Mais par contre, c'est eux qui doivent mendier, qui doivent chercher à être comme nous. Parce que nous sommes les fils de Dieu. Somebody get it. Amen. Yeah. Praise the Lord. Hallelujah. We continue. Amen. On va continuer. He said in verse 17, when he came to himself, let us return to him. In 17 ist, als, are you getting it? Als er zu sich selbst kam, lasst uns zu let us remember ihm zurückgehen. The lasst uns die Wahrheit wieder in Erinnerung rufen. Verset 17 nous dit, étant rentré en lui-même, il se dit, donc on doit vraiment accepter, vouloir rentrer dans nos consciences, rentrer vers lui. Let us remember the son that we are. Lasst uns die Sohnschaft, lasst uns an die Sohnschaft gedenken. On doit vraiment apprendre à se rappeler de, oui, de notre identité. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 18, said, I will arise and go to my father. 18. And we say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee. Verse 19. And I'm no more worthy to be called your son. Make me one of your hired servants. Praise the Lord. Hallelujah. You can see there's a difference between a son and a servant. Ihr seht, es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn und einem Knecht. Ici, on voit que tu vois qu'il y a une différence entre être un fils ou être un servant. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And in verse 20, it said, and he arose. Verset 20. And came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion. You know, he always have compassion. That's his lifestyle, the Lord. Amen. Remember, he always have compassion. Er hat immer Erbarm. Ici, on voit que l'Éternel, par exemple, il a toujours une compassion. Amen. I ran and fell on his neck and kissed him. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in the sight, and I am no more worthy to be called your son. Verse 22. But the father said 22. To his servant, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. 23. And bring hither the fatted calf and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost and is found. Er war verloren, aber and they began to be merry. Praise the Lord. Hallelujah. Il était perdu et il est retrouvé. Amen. Amen. Amen. Let us return to him. Lass uns zurückgehen zum Herrn. On doit vouloir retourner vers l'Éternel. Amen. Amen. We have been living in the lies of Satan for too long. Wir haben zu lange in den Lügen des Satans gelebt. On a vécu pendant longtemps dans des mensonges du diable. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In verse 25 is very important. That's where we are going. Verset 25, c'est encore plus important. He said, now his elder brother, son was in the field. And as he came and drew near to the house, he heard music and dancing. 26. And he called one of the servants and asked what these things meant. 27. And he said unto him, your brother is come, and your father had killed the fatted calf, because he had received him safe and sound. 28. And he was angry. Praise the Lord. Alleluia. This man was not free. Dieser Mann war nicht frei. 28, on voit qu'il était en colère. Ça signifie qu'il n'avait, il n'était pas libre. Amen. He was under the bondage of Satan. Er war unter der Gefangenschaft des Satans. Il était dans, sous la captivité du diable avec sa colère. The bondage of unforgiveness. Er war unter der Gefangenschaft der Unvergebenheit. Une captivité de ne pas se, vouloir se réconcilier. Amen. The bondage of the lies of Satan. He was there. Die Gefangenschaft des Satans. Oui, ils sont, oui. 28. And he was angry and would not go in. Therefore came his father out and he treated him. And he answering said to his father, lo, these many years do I serve thee, neither transgress I at any time your commandment. And yet thou never givest me a kid, that I might make merry with my friends. Verse 30. 30. Praise the Lord. Hallelujah. But as soon as this your son was come, which thou devoured thy living with harlots, thou hast killed for him the fatted calf. Verse 31. 31. And he said unto him, my son, thou art ever with me, and all that I have is thine. Amen. Is somebody getting Amen. It? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. All that belong to me belong to you. Alles was mir gehört, gehört dir schon. I don't need to. You don't even need to ask. Tu musst nicht fragen. Just go there. Verset 31, il dit le père qui répond à son fils, il a dit que et tout ce que j'ai, c'est à toi. Donc tu n'as même pas besoin de supplier ou bien de mendier parce que tout ce qui m'appartient t'appartient. He did not know the truth that what belonged to his father belonged to him. Das was seinem Vater gehört, gehört ihm schon lange. Mais le premier né ici, on voit qu'il ne connaissait pas la vérité. Il ne savait pas que tout ce qui appartient à son père lui appartient aussi. Are you getting it? Amen. He was still living, though he was a son, but he was, you know, he was not free. Er war ein Sohn, aber nicht frei. Malgré il était un fils, mais il était toujours en train de vivre dans une captivité. Il n'était pas libéré. Are you getting it? Praise the Lord. Alleluia. In verse 32, he says, 32. It was meant that we should make merry and be glad. For this your brother was dead and is alive again and was lost and is found. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. He was in bondage of ignorance. Unter der Gefangenschaft der Ignoranz. Le premier né, on voit qu'il était dans la captivité de, la, de l'ignorance. Bondage of lack of knowledge. Die Gefangenschaft der, von Mangel der Erkenntnis. La captivité de manque de connaissance. Amen. You don't know what belongs to you. You can never use it. Amen. Wenn du nicht weißt, was dir gehört, wirst du es niemals benutzen können. Or you can never go there to even take it. Oder es nutzen, es nehmen und nutzen. Si tu connais pas ce qui t'appartient, tu ne seras pas capable à l'utiliser ou bien partir le prendre pour l'utiliser parce que tu ne sais pas que ça t'appartient. You can have a key to a door, and if you don't know that you have that key, that door will never be open. Du kannst einen Schlüssel haben zu einer Tür, und wenn du nicht weißt, dass du diesen Schlüssel bei dir hast, wird sich diese Tür niemals öffnen. Tu peux avoir une clé d'une chambre, mais si tu ne sais pas que tu as la clé, que tu es en train de posséder cette clé, la porte va toujours rester fermée. Amen. Amen. You can even know that you have the key, but if you don't know how to use the key, that door will never open. Mm. Und du wirst sogar auch den Schlüssel haben, aber wenn du nicht weißt, wie man diesen Schlüssel benutzt, dann wird sich die Tür auch nicht öffnen. Tu peux même être capable à savoir que tu as cette clé, mais si tu ne sais pas comment utiliser cette clé, la porte va jamais s'ouvrir. We don't need 100 keys, 1000 keys. We only just need one key. Amen. That key that can open the door. Amen. Wir brauchen auch nicht 1000 Schlüssel. Wir brauchen nur einen Schlüssel, das ist die Wahrheit, Jesus Christus. On n'a pas besoin de 100 000 clés. On a besoin que d'une seule clé. Et cette clé, c'est Jésus Christ lui-même. Praise the Lord. Believing Christ and knowing the truth should always go together. Christus zu glauben und der Wahrheit zu glauben sollte immer Hand in Hand gehen. Connaître Jésus-Christ et croire en Jésus-Christ, ça doit toujours être en accord l'un vers l'autre. Satan's lies are very many. Les lügen de Satan sont zahlreich. Le diable a vraiment beaucoup de mensonges. And they are very powerful. Ils sont très kraftvoll. Et ces mensonges sont vraiment trop puissants. They will fight you. Sie werden dich bekämpfen. Ils vont vouloir te combattre. Amen. Amen. That is why the Bible said that you must fight the good fight of faith. Deswegen sagt die, wir müssen den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Et c'est pour cela la Bible nous dit qu'on doit vraiment faire le bon combat de la foi, de combattre ce combat. And this fight is a big fight. Und dieser Kampf ist ein großer Kampf. Et ce combat-là, c'est un grand combat. Without the Holy Spirit, you can never fight this fight. Ohne den Heiligen Geist kannst du diesen Kampf nicht kämpfen. Et sans le Saint-Esprit, tu peux pas faire ce combat. Amen. Amen. The lies of Satan are not just flesh and blood. Die Lügen des Satans. And that's why they are powerful. Mm. Die Lügen des Satans sind nicht Fleisch und Blut, sie sind geistlich und deswegen sind sie kraftvoll. Parce que les mensonges du diable, ce sont pas, c'est pas chair et os, c'est spirituel et c'est pour cela c'est si puissant. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. You can be a son and still be in bondage. Your spirit is saved, but your soul is unsaved. Du kannst immer noch ein Sohn sein und dennoch in Gefangenschaft sein. Dein Geist ist frei, aber deine Seele ist gefangen. Tu peux être un fils de Dieu, mais toujours continuer à vivre dans la captivité parce que ton esprit, il est sauvé. Tu as ton salut, mais ton âme est plein de mensonges du diable. Il est encore en train de vivre dans la captivité. Amen. There's a difference between a son and a true son. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn und einem wahrhaftigen Sohn. Il y a une différence entre un fils ou un vrai fils. Ishmael was a son to Abraham, but the true son was Isaac. Amen. Ismael war ein Sohn. A son and a true son. Von Abraham, aber der wahrhaftige Sohn von Abraham war Isaac. On voit aussi par exemple un exemple avec Abraham. On voit que Ismaël était un fils de Abraham, mais Isaac était son vrai fils. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. There's a difference between a son and a true son. You know, there's a difference between a God and a true God. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Sohn, einem wahrhaftigen Sohn, und einem Gott, einem wahrhaftigen Gott. Il y a une différence entre un fils et un vrai fils, tout comme il y a une différence avec un Dieu et un vrai Dieu. The Bible calls Satan the God of this world. Die Bibel nennt den Satan den Gott dieser Welt. La Bible appelle dit que le diable est le dieu de ce monde. And in John 17 verse 3. Johannes 17 Vers 3. Talk about the true God. Geht's aber auch um den wahrhaftigen Gott, den einzig wahrhaftigen Gott. Et dans Jean 17 3, là il parle du seul vrai bon Dieu. Praise the Lord. Alléluia. John 17 verse 3. Johannes 17 3. Jean 17, 3. On va lire Jean 17, 3. Praise the Lord. Alléluia. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. Amen. The only true God. Den einzig wahrhaftigen Gott. Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu est celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Le seul vrai Dieu ici. Praise the Lord. Hallelujah. The Lord wants us to fight this fight. Der Herr will, dass wir diesen Kampf kämpfen. L'Éternel veut qu'on puisse combattre ce combat. The whole world is fighting. Die ganze Welt kämpft. Parce que tout le monde est en train de combattre. There's fight everywhere. Es gibt einen Kampf. Il y a des combats partout. You know their fights. Du kennst ihren Kampf. Et toi, tu connais leur combat. You know what they fight to have. Du weißt, wofür sie kämpfen. Tu sais de quoi ils sont en train de combattre. And the Bible also says we should fight. Die Bibel sagt uns auch, dass wir kämpfen. Et la Bible nous recommande aussi de combattre. 1 Timothée 6. On va lire 1 Timothée 6. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 12. 1 Timothée 6, verset 12. It says, fight the good fight of faith. Lay hold of eternal life. Whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Fight the good fight of faith. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Combat le bon combat de la foi. Never stop to fight this fight. Und höre nicht auf, diesen Kampf zu kämpfen. Tu dois jamais cesser de combattre cette foi. The fight to believe Christ. Der Kampf, Jesus Christus zu glauben. Le combat de croire, d'avoir la foi en Jésus-Christ. The fight to depend on him. Der Kampf, sich auf ihn zu verlassen. Le combat de se de lui faire confiance, de dépendre de lui. The fight to see him alone. Der Kampf darum, ihn allein zu sehen. Le combat d'avoir sa concentration seulement vers Amen. Lui. Amen. You see him alone and take your eyes away from yourself. Amen. Du siehst ihn alleine und nimmst deine Augen weg von dir selbst. Tu combats, tu essaies de lui voir seulement lui-même et de enlever tes yeux vers le soi. You are not a savior. Denn du bist kein Retter. Parce que tu n'es pas un sauveur. And that's why your eyes should never be on yourself. Deswegen sollen deine Augen niemals auf dir selbst sein. Et c'est pour cela tes yeux ne doivent jamais être sur toi-même. You better see the Savior. Schau lieber auf den Retter. Toi, regarde au sauveur. If you don't know anything about it, just remember he died for you. That alone can keep you going. Wenn du nichts über ihn weißt, außer dass er für dich gestorben ist. That he loved you so much. Even when you were a sinner, dass and came here to die for hat. You. How much more now that you are now a son? Obwohl du ein Sünder warst, ist er auf diese Welt gekommen, für dich zu sterben, aufzuerstehen. Wie viel mehr jetzt, dass du dich für ihn entschieden hast? Si tu sais pas beaucoup, c'est pas grave. La seule chose qui est importante est que tu puisses savoir que il t'a vraiment aimé, tellement aimé qu'il est venu mourir pour toi, malgré que tu étais un pécheur. Et combien de plus maintenant que tu es maintenant devenu un fils de Dieu? Praise the Lord. Hallelujah. You know the fight they fight today in the world. The fight to be famous. The fight to be rich. The fight to pass the exam. That's the one they labor to have. They labor to have money to feed themselves. If you ask them where do you go to work, it's all about to eat, to drink, to do this. It's all about them. Praise the Lord. Die Menschen kämpfen darum, erfolgreich zu sein. Kämpfen darum ein gutes Leben zu führen, genug zu essen zu haben, sich Dinge zu leisten, sich Dinge zu gönnen. Darum kämpfen die Menschen heutzutage. Les gens aujourd'hui sont en train de combattre d'être mariés, d'avoir des bons travails, avoir leurs examens, d'être quelqu'un dans ce monde. Ça, ce sont leurs combats. Amen. They fight to make ends meet, to make things work. Kämpfen darum, über die Runden zu kommen. Sondern de combattre pour avoir une belle vie ici sur Terre. That should never be God's children fight. Das sollte niemals unser Kampf sein. Et ça doit jamais être le combat des enfants de Dieu. You fight to believe you are already free. Du kämpfst darum zu glauben, dass du schon frei bist. Nous on est en train de combattre. Notre combat c'est de croire qu'on est déjà libéré. You fight to believe you are already rich. Du kämpfst darum zu glauben, dass du schon reich bist. Notre combat c'est qu'on est en train de qu'on croit qu'on est déjà riche. Amen. Amen. You fight to believe that you are a son of God. Du kämpfst darum zu glauben, dass du ein Sohn Gottes bist. Despite that nothing is even working here naturally. Auch wenn hier that does not mean you are not a son of God. Nichts für dich funktioniert. Amen. Dennoch glaubst du, dass du ein Sohn Gottes bist. Tu combats pour croire que tu es un fils de Dieu malgré quelque chose, les choses ne sont pas en train de fonctionner ou bien comme tu veux, mais toi tu es un fils de Dieu, ça doit te libérer. Ça doit être notre combat aujourd'hui. The man not be working the way you like it. Es funktioniert vielleicht nicht so, wie es dir passt. Peut-être ça ne fonctionne pas comme tu le veux. Praise the Lord. Hallelujah. But they are working. Aber es funktioniert. Mais ça fonctionne, ça marche. Amen. Your father never sleep, he never slumber. Dein Vater schläft nicht, er schläft nicht ein. Parce que la Bible me dit que notre père il ne dort jamais. If the natural parents can take care of their baby, your father can take care of. Amen, amen. Wenn die natürlichen Eltern aus Fleisch und Blut auf ihre Kinder aufpassen können, wie viel mehr unser himmlischer Vater. Si les parents naturels sont capables de prendre soin de leurs enfants, de leurs bébés. Combien de plus ton père qui est surnaturel, qui ne dort pas, qui ne somnole jamais? Luke 12, from verse 22. Lucas 12, 22. Luke 12, 22. And he said unto his disciples, therefore I say unto you, take no thought for your life. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Lucas 12, 22. Wir sollen uns keine Gedanken machen über das Leben. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie. How are things going to work? Wie werden die Dinge funktionieren? C'est que vous allez manger ou bien comment les histoires vont marcher. Amen. Amen. Therefore I say unto you, take no thought for your life, what you shall eat, neither for the body, what you shall put on. 23. 23. Praise the Lord. Hallelujah. Or what also, what's, you know, the bills to pay. Oder die Rechnung, die noch bezahlt werden müssen. Wie man sie zahlen soll. Wer wird sie zahlen? Ein Baby will never be worried. Ein Baby würde sich niemals Sorgen machen. Ou bien quand tu te demandes comment je veux payer mes factures, qui va le payer? Un bébé, par exemple, ne va jamais, oui, se soucier de ses problèmes. You know, if you are worried, you know the meaning. You are telling your father that you can take care of yourself. Wenn du dir Sorgen machst, sagst du deinem Vater damit, dass du selbst auf dich acht geben kannst. Si tu te fais des soucis ou bien tu es en train de t'inquiéter, c'est comme si tu étais en train de dire à ton père que tu peux prendre soin de toi-même. He did not give birth to you so that you take care of yourself. Er hat dich nicht auf, geboren, damit du auf dich selbst aufpasst. Lui, il ne t'a pas fait naître pour que tu puisses prendre soin de toi-même. He gave birth to you so that he can take care, he will take care of you. Er hat dich geboren, damit er auf dich aufpasst. Il t'a mis au monde pour qu'il puisse prendre soin de toi. You remain his baby forever. Amen. Tu vas rester son bébé pour toujours. And he keep on changing your pampers forever. Und er wechselt seine Windel für immer. Et lui va continuer à changer tes couches pour Praise toujours. Praise the Lord. Alléluia. Your daddy love you. Amen. Dein Vater liebt dich. Ton père t'aime vraiment. Amen. Amen. And in verse 23. Verset 23. He said, the life is more than meat. And the body is more than raiment. Consider the ravens, for they neither sow nor reap, which neither have storehouse nor barn, and God feedeth them. Praise the Lord. Hallelujah. In verse 23, it said, life is greater than money. In 23 sagt er, dass das Leben größer ist als Geld. Verset 23, il nous dit que la vie est plus grande que de l'argent. But people believe that money is greater than life. Aber Leute glauben, dass Geld größer ist als Leben. Mais les gens pensent que l'argent est plus grand que leur vie. Amen. With somebody that is alive that can use money. Ah, nur jemand, der lebendig ist, kann Geld ausgeben. Mais la chose est que il y a qu'une personne qui est en vie qui peut. C'est seulement cette personne-là qui est capable à utiliser de l'argent. Un mort ne peut pas utiliser de l'argent. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He said, consider the ravens, the birds, for they neither sow nor reap. 24, pardon. Amen. Amen. They don't have savings. Sie haben keine Ersparnisse. Considérez les corbeaux, ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'ont ni cellière ni génier. But your father feed them. Aber euer Vater versorgt sie. Amen. Mais donc ils n'ont même pas des économies, mais notre père prend soin d'eux. He said, how much more are you better than the fowls? Praise the Lord. Combien ne valez-vous pas plus que les oiseaux? Some of us believe that the fowls are better than us. Aber einige von uns glauben, dass die Raben mehr wert sind als wir, dass die Vögel mehr wert sind als wir. Mais quelques d'entre nous pensent que les oiseaux sont plus plus grande valeur. Voilà. Une plus grande valeur que nous. Praise the Lord. Hallelujah. And which verse 25? And which of you taking thought can add to his stature one cubit? 26. If you then be not able to do that thing which is least, why take you thought for the rest? Consider the lilies, how they grow. They toil not, they spin not, and yet I say unto you that Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Praise the Lord. Hallelujah. 28. If then God so clothes the grass, which is today in the field, and tomorrow is cast into the oven, how much more will he clothe you, O ye of little faith? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Verse 29. And seek not ye what you shall eat. Do you know that is what people are seeking today? Ihr wisst, dass Leute, wisst ihr, dass Leute danach suchen, nach dem Essen? Ici, il dit que vous ne cherchez pas ce que vous mangez, mais aujourd'hui, les gens sont en train de se préoccuper de ce qu'ils vont manger demain. And seek not ye what you shall eat or what you shall drink, neither be ye of doubtful mind. For all these things do the nation of the world seek after. Amen. And your father knoweth that you have need of these things. Is somebody getting something? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Your father that take care of you. Euer Vater, der knows auf euch achtet, that you have need of them. Er weiß, dass ihr das braucht. Ton père qui prend soin de toi, il sait de quoi tu as besoin. But rather seek you the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Amen. Fear not, little flock. 31 et 32. For it is your father's good pleasure to give you the kingdom. Amen. Amen. Say all that you have and give up. Provide yourself bags which was not old, a treasure in the heavens that falleth not, where no thief approacheth, neither moth corrupteth. Verse 34. 34. For where your treasure is, there will your heart be also. Amen. Let your lamps be gilded about, and your light burning. Verse 36. 36. And use yourself like unto men that wait for their Lord, when he will return from the wedding, that when he cometh and knocketh, they may open unto him immediately. Blessed are you, blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you, that he shall gird himself and make them to sit down to meat, and come, and will come forth and serve them. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Let your heart be where he is, please. Lass zu, dass dein Herz da ist, wo er ist. Amen. Tu dois vraiment vouloir que ton cœur puisse être là où il est. Praise the Lord. Amen. And if we read it to verse 48, that's where I want us to go to. Amen. 48. Amen. On va lire 48. Praise the Lord. Hallelujah. Let's read 40 first. 40 d'abord. Be ye therefore ready also, for the Son of Man cometh at any hour when you think not. Praise the Lord. Amen. Then in verse 48. Et puis maintenant 48. But he that knew not and did not commit things worthy of stripes shall be beaten with few stripes. For unto whosoever much is given, of him shall be much required. And to whom men have committed much, of him we ask the more. Praise the Lord. Amen. That was where we stop on Sunday. Amen. Da haben wir am Sonntag aufgehört. C'est ici qu'on avait arrêté dimanche. Amen. Amen. We know what they are worried about. Ils wissen, worüber die Welt sich Sorgen macht. Nous, on sait de quoi ce monde est en train de s'inquiéter. Amen. Amen. To pass their exam, to have good reports, results from the doctor. Um einen guten Arztbericht zu bekommen. D'avoir des bons résultats. That you are satisfied with Christ. Aber du bist zufrieden mit Christus. Mais toi, tu es vraiment satisfait avec Jésus-Christ. Our victory is not part of faith. Dein Erfolg ist nicht bestehen oder nicht bestehen. Mais notre victoire, c'est pas que on a échoué à un échec ou bien une victoire. Amen. Amen. And you are not going to make it because you passed our faith. Und du wirst es auch nicht schaffen, weil du bestanden hast. Et seulement parce que tu as eu des bons résultats, ça signifie pas que ta vie sera, tu as ton salut, bien tu seras sauvé. Amen. Amen. You are not going to make it or have whatever you have for you because you passed your faith. Your exam. It is you are going to have them because you believe him. Du wirst den Willen Gottes nicht because haben, you have him. Weil du bestanden hast oder nicht bestanden hast, sondern weil du ihn hast. Tu vas avoir la volonté de l'Éternel parce que tu as Jésus-Christ et pas parce que tu as un chèque ou bien tu as passé des examens, des histoires comme ça. C'est parce que tu as Jésus-Christ et là tu vas avoir sa volonté. Praise the Lord. Amen. You know, I'm not saying if you are in school that you don't study your book. Amen. And allow the Holy Spirit to guide you. Ich sage nicht, dass wenn du noch studierst oder zur Schule gehst, dass du damit aufhören sollst, sondern ich sage, dass du zulassen sollst, dass der Herr dich leitet, dass das Christus ist für dich. Je ne dis pas que si vous partez maintenant à l'université que vous devrez maintenant finir de ne plus rien faire, mais je dis que vous devrez laisser l'Éternel permettre l'Éternel à vous guider. Don't fight to have what they have. Kämpfe nicht darum, was sie haben, was sie haben wollen. Tu ne dois pas combattre comme eux, bien de vouloir avoir d'obtenir ce que eux ils ont. Tu dois obtenir, tu dois combattre à avoir Jésus-Christ dans ta vie. Your fight should be fight to believe you have Christ. Unser Kampf soll sein. To pass your exam. That should never be for God's children. Amen. Darum zu kämpfen, dass wir glauben, dass wir Christus haben und nicht darum zu kämpfen, zu bestehen oder Prüfungen zu bestehen oder sonstiges zu bestehen und zu erringen. Notre combat, ça ne doit pas comme être comme le combat de ce monde qui veulent toujours avoir une victoire charnelle. Mais notre combat, ça doit être de combattre à croire à l'Éternel, qu'on a Jésus-Christ dans notre vie, que nous sommes ses fils. Et c'est ça notre combat. Whatever I have for you, they are going to come into manifestation because you have it. Amen. Because you believe it. And not because you pass your exam. Was immer er dich schon gegeben hat, wird sich manifestieren, weil du ihn hast, nicht weil du irgendeine Prüfung bestanden hast. Amen. Tout ce que toi tu as, ça va être, ce que toi tu veux avoir, ça va se manifester seulement parce que toi tu as Jésus-Christ et pas parce que tu es en train de te concentrer comme ce monde se concentre aux histoires de ce monde. Donc quand tu concentres à Jésus-Christ, là tu as ta victoire. These are the truth to know, the truth you are to know, because if not, you will be stressed like them. Das ist die Wahrheit, die du you will wissen. Be fighting like that. You will be worried like that. It will be all about your exam. I want to pass. I must pass. God's children never fight that fight. Mm. The fight you fight is the fight to believe Christ. Amen. That is your victory. Amen. Yeah, no matter, there's no result he cannot use. Amen. If evil is failed, he can use it. Joseph did not pass any exam before he became prime minister. Yep. Der Herr kann jedes Resultat nutzen und deswegen sollten wir nicht denken, dass wir durch unsere Resultate in den Willen des Herrn gehen, sondern durch Christus alleine, dass wir darum kämpfen zu glauben, dass er schon unser Resultat ist, dass wir ihn haben, nicht darum kämpfen, die Dinge zu haben, die diese Welt hat. Und genauso wie Josef, er hat auch nicht darum gekämpft zu bestehen, oder er hat auch nicht weltlich gesehen bestanden, um da zu sein, wo der Herr ihn haben wollte, als Premierminister. On doit savoir que si on veut la volonté de l'Éternel, on doit se concentrer vers lui et pas se concentrer comme ce monde à avoir le résultat de ce monde. Parce que notre manifestation, vu que nous sommes des esprits, nous sommes des enfants de Dieu, ça vient que de lui, la manifestation vient que de lui. Et tout comme par exemple Joseph, lui, pour devenir il était devenu un premier ministre, mais il n'a pas passé des examens comme ce monde le fait. Donc sa promotion, c'était surnaturel. Et ça devient surnaturel quand tes yeux sont fixés vers lui. You know, David was not qualified even to be a king. David was not qualified. If you look at David, when they were going to anoint king, he was not even there. Mm. They did not even call him. They did not even see him as anybody. Are you getting it? Als er ein König sein wollte, he is your qualification. Amen, amen. Stand er noch nicht mal war noch nicht mal, hat man ihn noch nicht mal mit einbezogen und noch nicht mal gedacht, dass er überhaupt zu der engeren Auswahl gehören könnte. Aber der Herr war seine Qualifikation. On voit même David, par exemple, si on voit l'histoire de David, il était même pas qualifié à être un roi. Et quand on a essayé de qualifier les frères, lui, il était même pas au milieu d'eux. On avait dit que lui, on pense même pas qu'il sera à l'auteur d'être un roi. Mais Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même, était sa qualification. Et maintenant, il est devenu même un roi. Donc, il n'était même pas qualifié, naturellement. If you fight for what they fight for, you will fail. Wenn du für das kämpfst, für sie kämpfen, wirst du versagen. Si tu combats, tu fais leur, tu combats comme eux, tu vas échouer. Are you getting it? Mm-hmm. I can remember years ago, there was somebody, I don't know, who was that? He said, you believe in Jesus Christ, he goes to church, you do this, you do that, upon all in their school, when they do exam, they pass, she will fail. Are you getting something? Why is it that I myself, I call myself a child of God, I belong to Jesus Christ, I will fail and they pass? How is that possible? I see the Lord is interested in your education. He is interested in you. Amen. Und jemand hat mal gesagt, dass er nicht versteht, weshalb er in der Schule nie klarkommt und nie durchkommt. Und die anderen ungläubigen Leute in seiner Klasse, die schaffen es, haben immer die besten Noten. Und er, der eigentlich gottesfürchtig ist und der halt immer so viel für Christus macht, er kommt irgendwie nicht durch oder wird nicht besser. Und diese Aussage, die stellt es so dar, als ob der Herr interessiert ist an deiner Bildung. Er ist nicht interessiert an deiner Bildung, er ist interessiert an dir, an deinem Herz. Amen. Et il y a une personne qui a demandé, qui lui a demandé une fois, mais je comprends pas, moi je parle toujours à l'église et je pense que je suis un enfant de Dieu, mais comment ça se fait que quand je suis à l'école et tout le monde est en train d'avoir du succès et moi je suis toujours en train d'échouer? C'est comme si l'Éternel est intéressé à tes études, il est intéressé à toi. Praise the Lord. Amen. You know, when I was like, you know, going to school, when I was young, like you children here, amen. You know, I was the type that, do I like school or not? I don't even know. Praise the Lord. Amen. You know, just message, if I hear it then, I could have been so joyful. Because for us, it was always to pass, we must pass, we must. Because when you fail, you come home. Oh. It is, failure is back again. Your father will laugh at you. People will laugh at you. It is, but the ones that pass, hey, they prepare good food for them. Are you getting it? But if I have understood this message, like you children today, that I don't need to stress myself. My father is the one taking care of me. Amen. Are you getting it? I don't need to be, you know, then, you know, it was three here. The system, you know, here in Nigeria, they are two different, let me say, as they are, countries. And the system there, the system here, they are so different. Education there, you know, here, I don't know, maybe they don't even take education serious, but there, it's more serious than here. If you are having your exam, you never sleep at night. You will really, your brain will almost crack. You cannot. Awoko, have you ever known? You know what is awoko? Awoko, you don't sleep all through the night. Before exam, you read and read and read. I hardly see it here with children here. It seems here is very easy because that's how I see it. But, you know, if I then have known that the Lord is the one doing everything for me, I should just depend on Him. You know, how will my joy be then? Sometimes I think of it so much. How will my joy, with all the stress that we went through then, that we are able to, that we want to pass? And that's why 1 Corinthians 2, verse 9 and 10. Amen. He said, I have not seen, nor ear heard what the Lord prepared for you. Amen. Amen. Amen. Amen. Und ich kann mich an meine eigene Schulzeit erinnern, als ich zur Schule gegangen bin und damals, ich hätte mir gewünscht, diese Worte zu wissen, die ich heute höre und die ich heute predige, dass, dass mein Bestehen und mein Nichtbestehen Christus ist und dass ich mir keine Sorgen machen muss darum, weil damals hat man sich über diese Dinge sehr viele Sorgen gemacht und wollte unbedingt bestehen, weil alles hing daran. Wenn man zu Hause angekommen ist und man mit einer schlechten Note zu Hause war, wurde man als Verlierer abgestempelt, man wurde als Versager abgestempelt, man hat die Leute haben einen spüren lassen, dass man es nicht geschafft hat und dass man schlecht ist. Und dafür die anderen Leute, die es geschafft haben, die wurden belohnt mit gutem Essen, die wurden mit Worten gesegnet und gepriesen. Aber auf der anderen Seite wurde man geschlagen. Man wurde mental, aber auch physisch hochgenommen. Ne? Und das ist einfach so viel Stress und so viel Angst, was dabei hängt. Und hätte ich die Wahrheit damals gewusst, wäre ich frei gewesen. Aber und genauso wie das auch, wie auch in 1. Korinther steht, Augen haben noch nicht gesehen, was der Herr für die Leute vorbereitet hat, die ihn lieben, ne, die nach ihm suchen, die nicht nach dem Erfolg dieser Welt streben. Quelquefois, je me dis que on va lire 1 Corinthiens 2, mais avant je voulais vous expliquer, c'est que je suis en train de comment dirais-je? Quand moi j'étais encore jeune et je partais à l'école, je me stressais beaucoup, j'avais beaucoup de stress parce que si tu as un échec à l'école ou bien à la fin de l'année tu as un échec, on va te frapper à la maison ou bien on va se moquer de toi. Mais les gens qui, par exemple, qui avaient des bons résultats, eux, on préparait des bonnes nourritures pour eux, donc ils étaient vraiment à l'aise. Et je me dis quelquefois que si je connaissais ça, cette vérité comme vous aujourd'hui les enfants, j'allais avoir une enfance qui est mieux, qui est un peu plus à l'aise. Parce que moi avant, je me stressais. Et c'est pour cela 1 Corinthiens 2 nous dit que... Alors on va le lire ensemble. Et puis on va Praise the Lord. 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. 1 Corinthiens 2, verset 9 et 10. I'm going to compare two places. To you that you get it in two places. That is 1 Corinthians 2, 9 and 10 and Luke 10. On va comparer 1 Corinthiens 2, 9 à 10 et Luc 10. Luke 10, verse 22 to 24. Lukas 10, 22 to 24. Those two places, they are similar. They are one. Werde ich vergleichen they are the same. Mit 1 Korinther 2, 9 und 10. Donc on va les comparer si c'est vraiment... pareil. We first of all read that of 1 Corinthians. On va lire 1 Corinthiens 2, 9 à 10. But as it is written, I have not seen, nor ear heard. Amen. Neither have entered into the heart of man the things which God has prepared for them Amen. That love him. Amen. But God has revealed them unto us by his Spirit. For the Spirit searches all things, yea, the deep things of God. Then if you go to Luke 10, from verse 22 to 24, are we there, please? Lucas 10. All things are delivered to me of my Father, and no man knoweth the Son, but no man knoweth who the Son is, but the Father, and who the Father is, but the Son, and he to whom the Son will reveal him. Then verse 23 and 24. Luke 10, 22 à 24 maintenant. And he turned him unto his disciples and said, privately, blessed are your eyes, which see these things that you see. Verse 24. 24. For I tell you that many prophets and kings have desired to see those things which you see and have not seen them, and to hear those things which you hear and have not heard them. Praise the Lord. Amen. The message of the Lord is our freedom. Die Botschaft des Herrn ist unsere Freiheit. Le message de l'Éternel, c'est notre vérité, c'est notre liberté. Amen. Amen. But God has revealed them to us by his Spirit. Aber der Herr ist uns offenbart durch seinen Geist. Mais l'Éternel nous a révélé ces messages à travers notre esprit. That's why we are able to know Galatians 5, 22 and 23. Deswegen sind wir in der Lage, Galata 5, 22 und 23 zu kennen. Et c'est pour cela nous sommes capables à comprendre Galates 5, 22 Amen. Et 23. Amen. On va y aller. To know the fruit of the Spirit. Die Frucht des Geistes zu kennen. Connaître les fruits de l'Esprit. Verse 22. But the fruit of the Spirit is God kind of love. what kind of joy, what kind of peace, what kind of long suffering, what kind of gentleness, what kind of faith, what kind of goodness. Why, you know, please always add God kind, because it is not the love of this world. It is not the gentleness of this world. It's not the goodness of this world. It is not the faith, the natural faith. Amen. Yeah. Mm-hmm. They are all God kind of. What Christ called love. Amen. Achtet mal darauf, dass wenn ihr die Frucht des Geistes benennt, dass ihr euch immer wieder daran erinnert, es geht um Gottes Liebe, es geht um Gottes Freude, Gottes Frieden, Gottes Langmut und nicht die Liebe dieser Welt oder die Freude dieser Welt oder den Frieden von dieser Welt. Quand on lit Galates 5, 22 avec 23, vous devrez toujours mettre la manière de l'Éternel, donc une sorte de Dieu, donc c'est la paix de Dieu, la fidélité de Dieu, parce qu'il s'agit la bonté de Dieu, parce qu'il ne s'agit pas de la bonté de ce monde, parce qu'il y a aussi la bonté du monde, la paix de ce monde. Donc il faut toujours ajouter la manière de l'Éternel. Praise the Lord. Hallelujah. Everything works for God's children through His so kind of love. Mm. His so kind of joy. His so kind of peace. His so kind of rest. His so kind of faith. His so kind of patience. His own kind. That is how everything comes into manifestation. In seiner Art von Liebe, von seiner Art von Freude und seiner Art von Langmut kommt alles in Manifestation. Toute chose est en train de se... La manifestation pour les enfants de Dieu, ça se passe toujours à travers l'amour de Dieu, la joie de Dieu, la paix de Dieu, la patience de Dieu, la bonté de Dieu. Donc toujours les histoires de Dieu, c'est comme ça que tu obtiens la manifestation, pas de ce monde. Et c'est pour cela qu'on va lire encore Hébreux 6, 12 nous dit en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, hérite les promesses. That you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Praise the Lord. Hallelujah. It is through the fruit of the Spirit you have the manifestation of the victory of the Lord. Amen. Durch die Frucht des Geistes haben wir die Manifestation des Herrn in unserem Leben. C'est à travers les fruits de l'esprit qu'on a la manifestation de la victoire de l'Éternel, que l'Éternel a pour nous. It's the manifestation of, you know, of whatever He has for you, your inheritance. Denn diese Manifestation von dem, was der Herr für uns hat, ist unser Erbe. Parce que la manifestation de ce que l'Éternel a pour nous, c'est ça notre héritage. Amen. You can see it here, said inheritance. Erbe. You, amen. Il parle d'un héritage. You never work to have inheritance. Somebody work for it. Amen. But not you. Yeah. Für ein Erbe arbeitest du nicht. If not, it will not be your inheritance. Jemand hat dafür gearbeitet, sonst wäre es nicht dein Erbe. Amen, amen. Tu ne vas pas travailler pour avoir un héritage, parce que un héritage, c'est quelqu'un, un héritage, c'est quelqu'un qui a travaillé et tu l'as laissé. Donc si tu travailles, donc c'est pas un héritage. Amen. Amen. Inheritance, Christ work for it. Amen. That's why you can have it. Amen. That's why it's called your inheritance. Amen. All His victory for you, they are your inheritance. Bei einem Erbe hat der Herr dafür gearbeitet, deswegen ist es ein Erbe. All sein Erfolg für dich ist sein Erbe an dich. Tous les succès que lui il a pour nous, c'est un héritage parce que c'est Jésus-Christ qui a déjà travaillé pour ça. Il s'est fait crucifier pour qu'on puisse avoir ce succès. Without the fruit of the Spirit, His will for you will never be seen in this world. Will never be seen. Ohne die Frucht des Geistes wird sein Wille in deinem Leben nicht sichtbar sein auf dieser Welt. Sans les fruits de l'esprit, la volonté de Dieu ne peut ou bien la manifestation de ce qu'il veut pour nous ne peut jamais être visuelle, on peut jamais le voir dans notre vie. He wants you to experience His goodness. Er möchte, dass du seine Gutmütigkeit erfährst, erlebst. Il veut qu'on puisse expérimenter sa avoir l'expérience de son amour. He wants you to experience His blessings. Er will, dass du seinen Segen erfährst, erlebst. Il veut que tu puisses vivre sa His joy, His peace. Sa, you understand me? All whatever everything here for you. Ah oui, il veut qu'on puisse oui, on puisse expérimenter sa bénédiction. Donc toute Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. If you remember, at the beginning, we are in John 8. He said, you will be free indeed. Amen. He talks about free indeed. You will naturally experience your freedom. Du wirst tatsächlich frei sein. Du wirst diese Freiheit erfahren. It's not I'm free, I'm still in fear. It's not I'm free, I'm still in doubt. I'm still in expectation. Christ's word is not expectation word. Tatsächliche Freiheit, nicht eine Freiheit, die in Erwartungen hängt oder die in Angst oder Zweifeln hängt, sondern tatsächliche Freiheit. Mm-hmm. On doit comprendre que la liberté de l'Éternel, c'est une chose elle est déjà là, c'est pas une chose qui va s'arriver, c'est pas qu'on est en train de s'y attendre, c'est déjà là. He wants us to experience everything he has for us. Er möchte, dass wir alles erfahren, was er für uns hat. Il veut qu'on puisse vraiment expérimenter tout ce qu'il a pour nous. It's not your friend, the spirit. It's not when you get to heaven you are rich. Here to be rich here. Das ist nicht. That's not his system. That's not his system. Well, until you get to heaven, until you get to heaven, then you are rich. Then you better die and go there now. Amen. He walked. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Look at everyone that follow God. David, Abraham, Job. No, you can never see anyone poor. Are you getting it? Because poverty is a curse. And we have been redeemed from all. Amen. Amen. Armut ist ein Fluch und wer dem Herrn Christus wirklich folgt, wird diese Armut in seinem Leben nicht erfahren. Wir sehen diese Beispiele von Hiob, Daniel, David und all diesen Leuten, die dem Herrn gefolgt sind und auch physisch diesen Reichtum erlebt haben und nicht erst im Himmel diesen Reichtum erlebt haben. Mhm. Weil wenn du glaubst, dass du erst im Himmel reich bist, dann geh doch in den Himmel und werd da reich. Aber wir glauben, dass wir jetzt schon reich sind wegen Christus. On doit comprendre que la pauvreté est une malédiction. Et nous, l'Éternel est mort pour nous, pour qu'on puisse être libérés des malédictions. Nous sommes bénis. Donc ça signifie que nous, normalement, les enfants de Dieu, on ne peut pas être pauvres parce que ça ce n'est pas en accord avec sa parole. Et si on voit bien à la Bible, on voit tous nos grands frères ou les apôtres ou toutes les autres personnes, Daniel, Job et tout ça, ils étaient tous riches. Et ça signifie que nous aussi, aujourd'hui, on n'a qu'à être riches. Solomon and all others. Malgré, ils n'avaient même pas Jésus-Christ, mais ils étaient riches. Et combien de plus, nous, maintenant, avec la nouvelle alliance de Jésus-Christ, on sera encore plus riches. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que, tu sais, tu es d'abord riche quand tu es au royaume des cieux. Alors, c'est mieux que tu puisses même directement, va te faire tuer directement aujourd'hui, meurs aujourd'hui pour être riche. Ça n'a pas de sens. Amen. You know, I always say, if you want to be rich, you don't need to be a child of God to be rich. You can see all these, what do you call them? All these people, what do you call them? All these celebrities. They don't have Christ. They have money. Are you getting it? You don't need to come to Christ. And also, if you don't want to be wealthy in the kingdom of heaven, no need to come to Christ. I don't know if you get it. Because you cannot live in the kingdom of heaven and be poor. Amen. Auf einer Seite kannst du auch reich sein ohne Jesus Christus, weil wir sehen es in der Welt, dass die Menschen, die so viel Geld haben, diese ganzen berühmten Leute, dass diese Menschen eigentlich Satanisten sind, größtenteils, und auch Geld haben. Aber auf der anderen Seite kannst du nicht Jesus Christus folgen und immer noch arm sein. Du wirst reich sein. Donc on doit voir que pour être riche, on n'a même pas besoin de suivre Jésus-Christ, parce que on voit ici tous les célébrités qui sont vraiment riches, ils ont beaucoup d'argent, ils ne croient même pas en Jésus-Christ et ils sont riches. Mais il y a aussi, de l'autre côté, on doit savoir que tu ne peux pas suivre Jésus-Christ et rester pauvre. Donc si tu habites dans le royaume des cieux, c'est lui qui va prendre soin de toi et tu seras riche. Donc c'est une de ses qualités, une de ses... Oui. You cannot be, you know, there is no poverty in heaven. Falls eben keine Armut im Himmel gibt. Amen. Parce qu'il n'y a même pas, dans le royaume des cieux, il n'y a pas de pauvreté. Amen. Amen. And that's why, you know, if you don't want to be rich, don't go to heaven. Sind nicht reich, don't know Christ. Just reject it. Are you getting it? You because it is impossible for you to be poor in the kingdom of heaven. Because the poverty has been raised. Galatians 3 is there. Let's go to Galatians 3. Galater 3, und deswegen, wenn du diesen Reichtum nicht willst, dann musst du Christus sozusagen verweigern, weil es unmöglich ist, Christus zu haben und nicht diesen Reichtum zu haben, weil es in ihm drin alles ist. Si tu veux pas être riche, donc faut pas, ça vaut pas la peine de venir dans le royaume des cieux. Mais si tu es, tu vis, tu connais la vérité que tu vis dans le royaume des cieux, là, tu ne peux pas rester pauvre parce que dans notre royaume, il n'y a pas de pauvreté. Donc, chaque citoyen est riche. Et on va lire Galates 3. Amen. Mm. It is not possible for you to be poor in the kingdom of heaven. Es ist nicht möglich für dich, arm und König, im Himmel zu sein. C'est impossible d'être pauvre dans le royaume des cieux si tu es un citoyen de ce royaume. Amen. Mm. In Galatians 3, verse 13 and 14. Galates 3, 13 à 14. It says, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us. Amen. One of the curses is, you know, poverty. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Une de ces malédictions, c'est la pauvreté. He said, "Be made a curse for us." He became a curse so that you are free. Er wurde zum Fluch, damit wir frei sind. Lui-même, il est devenu malédiction pour qu'on puisse être libre. Somebody get it? Amen. Be made a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone that hung on a tree because of the cross." Wegen dem Kreuz. Was hung on the tree. He became a curse so that you are free. From that curse. And that curse does not belong to you. Amen. Amen. Wurde zum Fluch, damit wir nicht mehr verflucht sind. Und deswegen gehört dieser Fluch uns nicht mehr. Car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Et lui-même, il s'est fait pendre au bois, il s'est fait à travers la croix. Donc, lui-même, il est devenu une malédiction pour que toi, tu puisses être libéré aujourd'hui. J.K. will help us to read verse 14. Verset 14. Damit der Segen Abrahams zu den Heiden komme in Christus Jesus. Damit wir durch den Glauben praise the Lord. Hallelujah. That the blessing of Abraham might come on the Gentiles through Jesus Christ, that we might receive the promise of the Spirit through faith. Amen. Praise the Lord. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens soit accomplissement, son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissons par la foi l'esprit qui avait été promis. Praise the Lord. Hallelujah. We are not like those witches, you know, witches and wizards. I don't know if they are like that here in Africa. Amen. You know, they are poor outside, but they believe that they are very rich there. Amen. They are rich wherever in the spiritual world, but they are poor here. That is not the kingdom of heaven. Amen. Wir sind nicht so wie diese Satanisten, die hier auf Erden arm sind, in einer kleinen Hütte im Wald sitzen und dann in der geistlichen Welt irgendwelche Villen und irgendwelche Häuser haben. So ist das Königreich Gottes nicht zu verstehen. Nous ne sommes pas comme les sorciers ou bien les démons qui sont pauvres dans la vie naturelle ici, mais dans leur monde là spirituel, ils ont des villas, ils sont vraiment trop riches. Le royaume des cieux n'est pas comme ça. Amen. Amen. Christ's reward is open reward. Die Belohnung von Christus ist eine öffentliche Belohnung. Le remboursement de l'Éternel, c'est récompense. La récompense de l'Éternel, c'est public. C'est public, merci. La récompense de l'Éternel, c'est public, c'est pas quelque chose de caché. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. In Jeremiah 33 verse 9 talks about his word for you. Please go and read it yourself. Amen. Then Isaiah 61 verse 6. Read it yourself. Mm-hmm. Amen. You don't have time to go there so that we quickly go through them close. Amen. Mm-hmm. In Christ's word, there is no faith without confession. Kannst du nochmal die Verse wiederholen? Einmal Isaiah. Isaiah 61 verse 6. À la maison, on va lire Isaïe 61 verse 6. Jeremiah 33 verse 9. Und Jeremia 36 verse 9. Verse 9. Verse 9, yeah. Et on va lire aussi Jérémie 36, verset 9. 33, 33. Not 36. 33, verset 9. In der Welt von Christus gibt es keinen Glauben ohne Bezeugen. Dans le monde de l'Éternel de Jésus-Christ, il n'y a pas une foi sans confession. Amen. Amen. There is nothing like you have faith without words, without action, without confession. Confession is the beginning of the of the job 61. Of your action. Let me put it that way. Confession is the beginning of your action. Das Bezeugen ist der Beginn deines Glaubens. On doit comprendre que la confession est le commencement de ta foi. Praise the Lord. Alléluia. Amen. On va le lire à Romains 10. Romains 10. Romains 10. From verse 8. Romans 10, verse 8. He said, but what said it? The word is nigh thee, even in your mouth and in your heart. That is the word of faith which we preach. Verse 9. That if thou shalt confess with your mouth the Lord Jesus and shalt believe in your heart that God has raised him from the dead, thou shalt be saved. Amen. Amen. Yeah. For with the heart man believeth unto righteousness, and with your mouth confession is made unto salvation. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. There is nothing like I believe without you saying it, without confession. Es gibt kein Ich glaube es, ohne es zu bezeugen. Tu n'es pas, tu ne peux pas. Ici, verset 8 jusqu'à 11, on voit que tu ne peux pas dire que tu crois sans le confesser. In verse 11, we say, for the scripture says, whosoever believeth on him shall not be ashamed. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. 11 nous dit, quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Mm-hmm. Hebrews 11, verse 5. If you join it to this very place, let's go to Hebrews 11, si 5. Tu ajoutes Hébreux 11, verset 5. Praise the Lord. Amen. Amen. Amen. Hebrews 11, verse 5. By faith, Enoch was translated that he should not see death and was not found because God had translated him. For before his translation, he had this testimony. Amen. Is somebody getting it? Car par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait élevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. He was always confessing that he pleased God. Amen. Il a toujours bezeugt, dass er dem Herrn gefällt. Oui, il a toujours confessé qu'il aime Dieu, que Dieu l'aime. Praise the Lord. Il est agréable à Dieu. You confess the truth. Tu bezeugst die Wahrheit. Et ça signifie que nous, on doit confesser through la vérité. Christ, that's how you please God. Durch Christus, so gefallen wir Gott. C'est à travers Jésus-Christ qu'on plaît à l'Éternel, are you à Dieu. It? How to please God is believing Christ. Amen. Si wir Gott gefallen, indem wir Christus glauben. Comment on plaît à l'Éternel, c'est quand on est en train de confesser Jésus-Christ. Et de Amen. Croire en Jésus-Christ. You know, how to please God. How to please God is by believing the finished work of Christ. Wir gefallen Gott, indem wir in das fertige Werk von Christus glauben. Toi, tu plais à l'Éternel, tu plais à Dieu quand tu crois à l'accomplissement de l'œuvre de Jésus-Christ. You believe it is finished. Wir glauben, dass es vollbracht ist, dass das Werk vollbracht worden ist. Tu crois que Jésus-Christ a tout accompli. You believe you already passed your exam. Wir glauben, dass wir unsere Prüfung schon bestanden haben. Tu crois que tu as déjà passé tes examens. Because you believe you are already saved. Amen. Denn wir glauben schon, dass wir errettet sind. Parce que tu crois que tu as déjà ton salut. Es sei denn, wir sind nicht errettet. Tu crois que tu es sauvé, sauf si tu n'es pas sauvé. Amen. Salvation is a packet. It's a packet. It's inside is all your victory. Amen. Once you have it, you have all. Amen. Errettung ist ein Paket. Don't pick and choose. What you call salvation. In all area, you are already saved. Amen. Wir sollten nicht uns aussuchen, was wir akzeptieren von ihm, sondern in allen Bereichen sind wir errettet, in allen Bereichen sind wir schon erfüllt Amen. Und versorgt. Ton salut, c'est comme un paquet. Et dans ce paquet-là, il y a tout. Donc, c'est pas que tu es seulement sauvé, dont ton âme est sauvée, ton esprit est sauvé, mais tu es pauvre, ou bien tu as un échec, ou bien tu es malade. Donc, quand tu as ton salut, tu as tout, en fait, toutes sortes de victoires. Praise the Lord. Alléluia. You can see Enoch confession here. Ihr seht die Bezeugung von Enoch hier. Ici, tu peux voir la confession de Enoch. And that's why you should always confess you are a son of God. Deswegen sollen wir immer bezeugen, dass wir Söhne Gottes sind. Et c'est pour cela nous aussi on doit toujours confesser que nous sommes des fils de Amen. Dieu. Amen. You should always confess that your daddy loves you. Amen. Wir sollen immer bezeugen, dass unser Vater uns liebt. On doit toujours confesser que notre père nous aime. Amen. You should always confess that he came here. If you are the only one on earth, he could have still been here to Amen. Pay the price for you. Wir sollten immer wieder bezeugen, dass wir die He did not come because you are many. Es wäre er dennoch gekommen, er ist nicht gekommen, weil wir so zahlreich waren. Tu dois confesser et croire que même si tu étais le seul être ici au monde, il allait venir seulement pour toi, pour se sacrifier pour toi. Donc il n'est pas seulement venu parce que nous sommes beaucoup, il est aussi venu seulement pour toi, l'individuel. Are you getting it? Mm. If you look at Adam, well, you know, he created everything and he created only Adam. Mm. Amen. If you are the only one on earth here, he could have still come. Amen. Wenn du die einzige Person hier auf Erden gewesen wärst, wäre er dennoch gekommen, für dich zu sterben. Tu peux même voir si l'exemple de Adam, il a créé tout le monde et puis l'a placé Adam lui-même. Et c'est pour cela que tu dois aussi croire que même si tu étais le seul homme ici sur terre, il allait venir se sacrifier pour toi. You know, during you know, Jesus' ministry, John was always confessing that. You know, if you look at the Bible, read it, you see they always write John, whom Jesus loves. Mm. He loves everybody, but he don't believe in loving special. Mm. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Johannes immer wieder bezeugt hat, dass er der Geliebte des Herrn ist. Und er ist immer wieder bezeugt, obwohl er weiß, dass der Herr die anderen auch geliebt hat. Dennoch hat er sich immer als den Jünger benannt, der von dem Herrn geliebt wird. Si tu vois par exemple à Jean, tu vas voir que l'Éternel, Jésus-Christ a aimé tous ses disciples et tout le monde. Mais Jean lui-même, il confessait toujours, il disait toujours, même si on voit à la Bible, il dit toujours que Jean, la personne que Dieu, que Jésus-Christ aimait de plus. Donc, il a cru que Jésus-Christ l'aimait plus que toute autre personne, malgré Jésus-Christ a aimé tout le monde, en fait. Praise the Lord. Christ's system is you believe and you confess. Das System von Christus ist du glaubst. Give the testimony. Und bezeugst. Du gibst das Zeugnis. Le système de Jésus-Christ est que tu crois et puis tu témoignages. Tu donnes un témoignage. Tu confesses en fait. You confess what you know. Du sprichst das aus. Du bezeugst das, was du weißt. Tu vas confesser ce que tu connais. Amen. And not what they know. Nicht das, was sie wissen. Mais tu vas pas confesser ce que eux ils connaissent. Or what they want to hear. Oder was sie hören wollen. Ou ce que eux ils veulent savoir, bien écouter, entendre. You... Praise the Lord. Alleluia. Learn to confess the truth. Lerne die Wahrheit zu bezeugen. Apprends à confesser la vérité. You already have victory. It's the truth. Amen. Du Because hast you already saved. Amen. Weil du schon errettet bist. Tu as déjà ta victoire parce que toi tu as ton salut, tu es déjà sauvé. Praise the Lord. Hallelujah. You never see yourself as a loser. Sehe dich niemals als ein Verlierer oder ein Versager. tu ne dois jamais te voir comme un perdant ou bien quelqu'un qui a toujours de l'échec. Jamais. Learn to confess the truth in everything. Lerne die Wahrheit in allem Not just zu bezeugen. In few things, in everything. Nicht nur in einigen Dingen, sondern in allem. Apprends à confesser la vérité dans toutes choses. Pas seulement dans quelque chose, mais dans toutes choses. Don't be afraid of confessing the truth. Hab keine Angst davor, die Wahrheit zu bezeugen. N'ayez pas peur de confesser la vérité. Confessing the truth is confessing Christ. Amen. I am the way, the truth, and the life. Amen. John 14:6. So confessing the truth is confessing Christ. Hab keine It's confessing Angst who you are. It's confessing the inside. The inside is who you are. Once you put on gloves, the gloves is not your hand. You can remove it. Your hand still remains. Your spirit is who you are. Du bezeugst das, was du bist. Du bist sozusagen, wenn du ein Handschuh anhast, sind deine Hände nicht diese Handschuhe, sondern wenn du den Handschuh ausziehst, sind deine Hände immer noch da. Das Innere ist das, was du bist. Tu dois apprendre à confesser la vérité, à confesser Jésus-Christ en toi, ton salut. Parce que tu dois t'imaginer comme si tu as, quand tu as un gant, quand tu vas enlever le gant, tu vas avoir toujours ta main. Donc, tu es en train de confesser l'intérieur, ta main, et pas l'extérieur qui est le gant, par exemple. Praise the Lord. Hallelujah. Why did I just talk about the handshoe? Amen. Du hast über einen Handschuh gesprochen. Amen. Pourquoi je parle des gants? The part of you that is you. Du musst wissen, welcher Teil von dir du bist. Je parle des gants parce que tu dois apprendre, tu dois connaître quelle partie de toi est toi. The Christ in you is who you are. Amen. Christus in dir ist das, was du bist. Le Christ en toi, c'est ce que toi tu es. Stop living like the old man. Hör auf, wie der alte Mensch zu leben. Arrête de vivre comme l'ancienne personne qui est déjà mort. Amen. Amen. The time has gone. Amen. Annoy. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And after your confession, don't be afraid of what next. Und nach unserem Bezeugen sollen wir uns nicht keine Angst haben, was danach kommt. Après ta confession, n'aie pas peur de ce qui va arriver après le prochain. Amen. Amen. No one can qualify you more than Christ Jesus. Niemand kann dich qualifizieren mehr als Jesus Christus. Personne ne peut te qualifier plus que Jésus-Christ. No result can qualify you more than him. Amen. Kein Ergebnis kann dich mehr qualifizieren als er. Il n'y a aucun résultat qui peut te qualifier plus que lui. Any result you have, apply for the job that he wants you to have. Egal welches Ergebnis du hast, du sollst dich für jeglichen Beruf bewerben, den der Herr für dich hat. Malgré n'importe quel résultat que tu as, si lui te dit de partir faire, par exemple, un application d'emploi de travail, tu dois y aller pour le faire. Amen. Stop waiting like them. Don't stop waiting for the Lord. He is waiting for you. Hör auf, den Herrn zu warten, weil der Herr wartet darauf, dass wir uns bewegen. Arrête d'attendre que l'Éternel puisse agir, parce que lui, il attend que toi, tu puisses agir. Don't be afraid of any job or position you are going to have. Wir sollen keine Angst haben vor irgendeinem Job oder Position, die wir haben werden. Tu ne dois pas avoir peur de quelle position ou bien quel travail tu vas avoir au futur. Who can work more than the Holy Spirit? Amen. Wer kann mehr arbeiten als der Heilige Geist? Parce que qui peut travailler plus que le Saint-Esprit? The Spirit of your Father. That is the Spirit that is in you that is going to do whatever job Amen. You are going to do. Amen. So don't stop. We have been lies for years. Let us now return. Der Geist deines Vaters, der in dir wohnt, der wird durch dich arbeiten. Wir waren die ganze Zeit blind und haben nichts, sind nicht nach dem gewandelt, was er wollte. Aber lass uns jetzt wir sollten uns jetzt bewegen in Christus. On doit comprendre que c'est l'esprit de notre Père qui vit en nous qui va faire le travail là où il nous envoie de faire ce travail. Donc on doit arrêter de vivre dans des mensonges du diable comme on vivait au passé. Maintenant qu'on connaît la vérité, on doit vivre dans la vérité, agir dans la vérité. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit of your Father that is already in you is the one, the very one that is going to do the job. Amen. In you and through you. Mm. No degree is greater than he. Amen. Der Geist deines Vaters, der in dir ist, der wird diesen Job tun. Und nicht irgendein Abschluss. L'esprit de ton Père qui vit en toi, c'est lui qui va faire le travail qu'il t'envoie à faire. C'est pas toi, donc c'est lui qui fait ça en toi et à travers toi. Et c'est pas quelqu'un d'autre. Donc il n'y a aucun résultat qui est plus grand que le Saint-Esprit ou Jésus-Christ lui-même. Praise the Lord. Hallelujah. The time has gone, we will continue with faith. I thought, but no. We have to praise the Lord. Hallelujah. On Sunday we continue with the message. Am Sonntag geht es weiter mit der Botschaft des Glaubens. Wir sollen an Christus glauben. Le temps passe trop vite et c'est pour cela dimanche on va continuer avec le message d'avoir la foi en Jésus-Christ. Have faith in the finished work of Christ. Hab Glaube an das fertige Werk von Jesus Christus. Aie la foi à l'accomplissement de l'œuvre de l'Éternel Jésus. You are not going to have victory. You already have Amen. Victory. Wir werden keinen Sieg haben, sondern wir haben schon einen Sieg. Tu n'auras pas la victoire. Tu as déjà la victoire. Stop speaking lies. Hört auf, Lügen zu sprechen. Arrête d'être un menteur. Speak the truth. Sprich die Wahrheit. Dis la vérité. You know, Elisha could have been a liar if he had not said those that be with them are more than those that be with those people. Elisha hätte ein Lügner sein können, wenn er nicht gesagt hätte, dass die, die bei ihm sind, vielzähliger sind als die, die vor ihm stehen. Élisée pouvait être un menteur quand il a dit que celui qui sont avec nous sont plus nombreux que celui qui sont dans ce monde, tous ces militaires ici. Il allait, naturellement, il était un menteur, mais spirituellement, il disait la vérité. We have been living the opposite life of Elisha. Amen. Elisha knew, you know, look at this man. Oh, my God. No panic. No panic. Syrian army everywhere. And the servant that could not, that he not even under that, you know, that's the servant was in panic. Alas, my master, look at everywhere for. The police are there everywhere. Elisha said, don't be afraid. Those that be with us are more. Amen. You can see the truth. Yeah. You can see who you are. Those that, if you know your God, you will do explore. If you know who you are, you will be strong and never look down on yourself. Wenn du deinen Gott kennst, dann wirst du Großartiges tun. Du wirst niemals auf dich herabschauen, sondern du wirst glauben, wer er ist und deswegen auch glauben, wer du bist in Christus. Regardez par exemple Élie quand il a dit que quand il a vu l'armée syrienne, qu'ils étaient vraiment nombreux naturellement ils étaient que à deux, mais lui il a cru que ils sont nombreux parce qu'il voyait l'esprit, et malgré que son cerveau était en train de d'être trop agité là, lui il s'intéressait pas, il était vraiment comment on appelle, il était avec tout charisme qui disait que non, je connais qui je suis. Et c'est pour cela que toi aussi apprends à être comme ça, apprends à connaître ton père, apprends à te voir toi-même aussi en esprit, parce que seulement si tu connais ton père, tu vas te connaître aussi toi-même et aussi avoir oui le même charisme que ton père, et comment Élisée aussi avait, au lieu d'être agité chaque moment. Praise the Lord. Who is man that you should be afraid of? Wer ist der Mensch, vor dem wir Angst haben sollten? Quelle personne que tu vas avoir peur, qui va te faire peur? Hallelujah. Who is religion? What is religion that you should be afraid of? Was ist Religion, dass du vor ihr Angst haben solltest? Your father has been defeated. I'm much more than. Ihr Vater wurde besiegt, wie viel mehr sie selbst. C'est quelle religion qui va te faire peur? Parce que leur père a été défi à travers Jésus-Christ. Et toi, pourquoi tu as peur? Praise the Lord. Parce que c'est ton père qui a tout défi. Amen. Qui a tout vaincu. So please, if you have any questions.